travailler. Toi, tu réagis plus dans ta tête. Ils vont mettre des idées dans la tête de ton entourage. Puis là, tout le monde capote autour, puis voyons qu'est-ce qui se passe. C'est la raison, entre autres, pour laquelle j'ai été réticent pendant plusieurs années avant d'avoir un enfant. Ben, je me suis dit, si je réussis à m'ajuster, ils vont peut-être essayer de me manipuler à travers d'un enfant que je pourrais avoir. Mais en même temps, je ne veux pas m'empêcher de vivre aussi, là, parce que Ben les non. années passaient, puis moi, c'était quelque chose que je voulais connaître, d'être parent. Mais je sais très bien que ça m'expose à de la manipulation astrale. Ben, ça peut t'exposer à quelque chose que toi, tu vas te développer davantage aussi. Peu importe ce que tu fais, tu vas être exposé. Ouais, Il y a rien. dans un Oui. sens qui nous tue pas nous rend plus fort, comme disait le philosophe Nietzsche. Donc peut-être que ça va m'amener plus loin dans ma force psychique de combativité face à l'adversité, mais en même temps, c'est sûr que c'est un petit peu désolant de réaliser que tout ce que tu fais peut être retenu contre toi, puis que à quelque part, on est dans un monde de manipulation tordue, puis l'épuration astrale, ça, depuis Bernard, son activité de 40 ans, je veux dire, il a pas fait fondre les icebergs astraux, là, c'est-à-dire... Il y en a en masse de la masse psychique, puis je pense que ça va prendre peut-être au-dessus de 2500 ans, là. Ça prend l'éternité s'il faut, mais Pour ça, je pense pas à ça, là. non plus, je pense pas à ça. Sinon, on fera plus rien, puis... Ben non, tu sais, même, je trouve pas ça... Tu sais, je donne pas d'importance à ça. Non plus. Mais je trouve que le test le plus difficile à passer, c'est justement d'être parent. Parce Ah, que sûrement. c'est très, très exigeant de. Là, ta petite, là, mais à un moment donné, ça se développe, hein, ces petites bébêtes-là, là, puis c'est comment garder la communication. Moi, tout le long avec les garçons, c'est la seule chose que j'ai jamais parlé de conscience avec eux. Je commence, là, à 23-25 ans, parce qu'ils me questionnent. Mais moi, je ne parlais pas de ça avec les enfants. Ce Mais que là, j'essaie c'est de garder, intéressant ce c'est que la tu dis. communication. C'est ce qui est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est eux autres qui initient le mouvement plutôt que de leur imposer ça, comme vont faire des parents qui vont imposer la religion catholique ou autre, là. Ben déjà, Bertol l'a dit, par notre vie. Moi, là, en tant que personne, je peux créer des chocs juste parce que je suis, là. Dans mon quotidien, j'applique ce que je dis, là. C'est pas de la philosophie. Donc, de vivre avec moi, c'est déjà un choc pour ces enfants-là, avec ce qu'ils se font dire à l'école, puis la famille, puis Mona dans le décor qui est bien différente. Fait que déjà, il voyait qu'il y avait quelque chose d'étrange, là. Mais moi, j'ai toujours gardé la communication ouverte avec eux, puis les laisser parler comme ils voulaient, comme ils sans chercher à corriger, à moins que c'était débordant, là. Mais non, c'est au contraire. Puis aujourd'hui, ce qui revient, c'est la communication. Il y a un temps où ils ont quitté la maison, on se parle presque pas pendant 3-4 ans, là, ils font leur petite vie, mais là, ça recommence. La communication est là. Ils savent que je suis capable de communiquer, fait qu'ils reviennent, puis là, ils commencent à se questionner sur ce qu'ils vivent. Est-ce qu'il faut qu'ils vivent quelque chose, à un moment donné, là? Fait qu'ils vivent des expériences, puis là, ils vivent des peines d'amour, puis des ci, puis des ça, puis là, oh, là, je fais quoi avec ça? Puis là, t'as mon qui dit, ah, on réglait ça, sans parler, on va voir. Tranquillement, je les initie à la pensée, viens d'ailleurs, comment tu te fais charrier avec ça? Mais seulement sur la demande, c'est ça que je veux dire. Ben, Mais c'est c'est pas bien, des c'est études. respectueux de l'individu. Tu sais, t'es dans l'ouverture d'esprit, t'es dans le vivre et laisser vivre. Ben, totalement. Puis ils sont vietnamiens, amis vietnamiens, amis québécois. Ils ont des racines de Chine, le Vietnam. Ils ont ça dans le corps. C'est dans la cellule, dans l'ADN, dans la programmation. Fait que, mais moi, j'accepte ça. J'ai toujours été capable d'accepter ça des gens différents. C'est les gens qui ne m'acceptaient pas qui me faisaient chier. La différence. Je suis sûr que Bertrand était capable d'accepter. Puis toi, David, plein de gens autour de toi avec Oui. des différences. Mais c'est les gens qui sont capables d'accepter des différences qui nous font.